cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah amma ba'd. Fanwasil bi'idhnillahi azza wa jal fi hadhihi ad-durus al-iqtisad fi al-i'tiqad lil-imam عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وأخذنا في درسنا الأخير باب القدر، فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر عند من؟ تفضل. أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله علم بكل شيء قبل حدوثه وكتبه في لوح محفوظ. نعم، أن الله سبحانه وتعالى هو العليم سبحانه، يعلم كل شيء، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. كذلك من يزيد تفضل. أيضا مشيئة الله عز وجل. من مشيئة الله عز وجل. نعم، فالخلاصة أن أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان بالقدر مبني على أربعة مراتب، فذكرتم العلم والكتابة والمشيئة، وبقي واحدة، ما هي؟ تفضل. المشيئة والخلق. الخلق، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، وهذا ولله الحمد تقدم معنا في الدرس الماضي. قال رحمه الله: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات، ثم إلى سدرة المنتهى أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا. هذا الباب باب الإسراء والمعراج، فكذلك العلماء يذكرون في كتب العقيدة. Les savants de l'islam, ils citent souvent ce chapitre, l'Isra ou al-Mi'raj, dans les livres de l'Aqidah, de la croyance. فالمؤمنون يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة. Tout ce qui est cité comme akhbar, comme information في القرآن أو في السنة، فالمؤمن يجب عليه الإيمان والتسليم. أي on doit se soumettre. On doit croire à tout ce qui est cité dans la révélation, que ce soit le Coran ou la Sunna. Et parmi ces choses qui sont citées في القرآن أو في السنة، فهذه هي المسألة العظيمة، الإسراء والمعراج. فقال، on répète son كلام رحمه الله: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات. هذا نقل الإجماع. نعم، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالفيرسي لكلار، فلهذا l'unanimité des croyants يؤمنون بهذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء c'est السير، والعلماء يقيدونه بالليل. السير ليلا أي c'est se déplacer la nuit. قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم il s'est déplacé dans cette nuit من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سساء الإسراء. وسيأتي إن شاء الله معنا قراءة الحديث، حديث الإسراء والمعراج en détail. لكن هنا ننبه مبخسيز أن بعض العلماء يطلقون الإسراء على الإسراء والمعراج، ولهذا قال هنا: أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى. هذا في الحقيقة في المعراج، لكن بعض العلماء يسيت كل إسراء سا أنغلوب المعراج. وإلا فسي on veut détailler et être précis et citer les deux، فالإسراء c'est ce déplacement que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait min al-Masjid al-Haram de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis. Ça c'est l'Isra. Et هذا الإسراء كما سيأتي في الحديث إن شاء الله c'était sur البراق. Et une bête qui ressemble à un cheval. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est monté sur cette bête du Masjid al-Haram jusqu'à al-Masjid al-Aqsa. Ça c'est l'Isra. ثم المعراج c'est من المسجد الأقصى القدس jusqu'à ma sha'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dépassé le septième ciel et jusqu'à al-Sidrati al-Muntaha comme ça y est. Le mohim bien différencier les deux, l'Isra ou le Mi'raj. قال رحمه الله أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا وسيأتي معنا en détail قليلا toutes ces مسائل أي parmi les مسائل que العلماء يستدل dans ce chapitre أن الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم il était réveillé. C'était pas un rêve. Et كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il a fait ce déplacement une nuit avec son corps. Pas comme certains ils disent c'était عبارة عن رؤية منامية. فهذا c'est pas صحيح. لا النبي صلى الله عليه وسلم il s'est déplacé lui-même. قال ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. Dans la même nuit. Ça nous montre que l'Isra ou le Mi'raj c'était dans la même nuit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant subh et avant la levée du jour, avant le lever du jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était revenu à Mecca. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط. الصواب c'est que l'Isra ou al-Mi'raj c'était dans la même nuit. Contrairement à ce que certains ils ont prétendu, un al-Isra c'était dans une nuit, thumma al-Mi'raj dans une autre nuit. Fa sahih c'est que c'était dans la même nuit. Wa man qala innahu manam wa innahu lam yasri bi jasadihi faqad kafar. Amma celui qui rejette le verset bi wudouh fa la shak anna rejeté un verset du Coran c'est du kufr. لهذا قال الإمام المقدس رحمه الله فقد كفر لماذا لأن الله عز وجل قال إلى ستة الفرس قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله تأملوا قوله بعبده أي العبد le serviteur أي le prophète صلى الله عليه وسلم هنا. Est-ce que avec ce verset on peut prétendre c'est que son âme qui a voyagé alayhi salatu wasalam? La, لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité, qui a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ce déplacement. Enfin, pourquoi dire que l'âme alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال بعبده. Et là chaque أن قوله بعبده et son serviteur ça englobe le corps et l'âme. وإلا celui qui prétend le contraire فلا بد من دليل pour spécifier ولا دليل. قال وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس ابن مالك ومالك ابن صعصعة وجابر ابن عبد الله وشداد ابن أوس وغيرهم كلهم صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح. أما les quatre premiers qu'il a cité, نعم في صحيح البخاري ومسلم. أما حديث شداد فكما في الحاشية إلى ضعيف ودوتر أحاديث فيها ضعف. قوله أن طول أحاديث كي سن سيتي في الإسراء والمعراج كلها مخرجة في الصحاح هذا في نظر لا يدي أحاديث في الإسراء والمعراج ضعيفة بل بعضها للضعف إلى الشديد. على كل حال on a des hadiths walillahi alhamd sahiha et parmi ces hadiths il a cité quelques-uns hadith Abi Dhar hadith Anas ila akhir. On aqra un hadith qui résume al-Isra wal Mi'raj et Incha'Allahu ta'ala, nastahid des masa'il et certains points que l'imam al-Maqdisi, il a cité, rahmatullah alayhi. Naam, on va lire hadith. Malik ibn Sa'sa'a, radiyallahu ta'ala anhu, fi al-Sahihayn, il est complet avec certaines choses qui manquent, on rajoutera d'autres hadiths. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال صلى الله عليه وسلم donc النبي صلى الله عليه وسلم il leur a raconté cette nuit et ce voyage qu'il a fait pendant cette nuit de Mecca jusqu'à Al-Quds à Jérusalem. Thumma de Jérusalem, il a été élevé au ciel, alayhi salatu wassalam. An-Nabi sallallahu alayhi wasallam, il aura raconté ce qui s'est passé dans cette nuit. Qala alayhi salatu wassalam, baynama ana fil hatim, wa rubbama qala fil hijr, muttaji'an, id atani atin, faqad qala wa sami'tuhu yaqul, aw faqad qala wa sami'tuhu yaqul, فشق ما بين هذه إلى هذه من طغرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصة أو من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي فأولا النبي صلى الله عليه وسلم إلى informé أن cette nuit sa poitrine a été ouverte. Et son cœur, il a été trempé dans ce récipient. قال النبي صلى الله عليه وسلم بطست من ذهب مملوءة إيمانا, qui était rempli de iman, de foi, et le cœur du prophète صلى الله عليه وسلم il a été trempé dans ce récipient. قال فغسل قلبي, son cœur il a été nettoyé. ثم حشي ثم أعيد, ثم son cœur il a été remis dans sa poitrine عليه الصلاة والسلام. قال ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض أي البراق قال فقال له أي الراوي إغاجود فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم donc البراق cette bête qui est un peu plus grand qu'un âne et دون البغل البغل c'est une mule أبيض أي blanc qui s'appelait البراق قال عليه الصلاة والسلام فحملت عليه النبي صلى الله عليه وسلم il a été placé sur ce buraq, sur cette bête. قال فانطلق بجبريل نعم هنا سيتي حتى القصة لواضحة في صحيح مسلم حديث أنس قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس أما في حديث مالك بن صعصعة يا باسيت فريسيزيون. على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم il est monté sur le buraq et il est parti de Mecca jusqu'à بيت المقدس jusqu'à Jérusalem عليه الصلاة والسلام. قال فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم accompagné de Jibril il a été élevé au premier ciel. قال فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم donc Jibril عليه الصلاة والسلام il a demandé la permission pour pouvoir passer le premier ciel et il lui a été demandé من معك qui c'est qui est avec toi il a répondu le prophète محمد صلى الله عليه وسلم قال فقيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم dans le premier ciel c'était le prophète qui était dans le premier ciel, c'était le prophète Adam alayhi salatu wasalam. Et dans ce hadith, chaque ciel il y a un prophète. Le premier c'est Adam alayhi salatu wasalam. فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد بحتى أتى السماء الثانية. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé le salam à Adam, et Adam كذلك, il a passé le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a continué son ascension avec Jibril et il a atteint le deuxième ciel. ثم صعد بحتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما أبناء الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال أي عيسى ويحيى dans le deuxième ciel le prophète Isa et le prophète Yahya عليهم الصلاة والسلام et نفس الشيء ils ont passé le salam au prophète صلى الله عليه وسلم et le prophète صلى الله عليه وسلم il aura répondu فقال أي عيسى ويحيى مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف عليه الصلاة والسلام donc dans le ciel suivant le troisième le prophète Yusuf عليه الصلاة والسلام قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه ورد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ça c'est la parole du prophète Yusuf عليه الصلاة والسلام ثم صعد بحتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه نعم donc le quatrième ciel le prophète إدريس عليه الصلاة والسلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بحتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون نعم donc le ciel suivant le cinquième le prophète هارون عليه الصلاة والسلام le frère de Moussa قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه ورد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح donc le sixième ciel le prophète موسى عليه الصلاة والسلام فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك quand le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dépassé le sixième ciel موسى عليه الصلاة والسلام il pleure فقيل له ما يبكيك Et cette question, elle fut posée à Moussa alayhi salatu wasalam, pourquoi tu pleures? قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. Et هذه c'est une bouchra pour هذه الأمة pour les mu'minin de cette communauté. أنهم cette communauté ça sera la plus grande يوم القيامة. Et cette communauté ça sera ceux qui rentreront le plus fil jannah la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qala thumma sa'ida bi ila as-sama'i as-sabi'a fastaftaha jibril qila man hadha qala jibril qila wa man ma'ak qala muhammad qila wa qad bu'itha ilayhi qala na'am qala marhaban bih فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلي سدرة المنتهى donc النبي صلى الله عليه وسلم il a atteint le septième ciel et il y avait le prophète Ibrahim عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم il a dépassé et il a arrivé à ce niveau إلى سدرة المنتهى et c'est un arbre عظيم et cet endroit que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم il a atteint personne ne l'a atteint avant lui et personne ne l'atteindra après lui عليه الصلاة والسلام قال فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه السدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل أي دي فلوف كات فلوف قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع للبيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a eu le choix de boire dans trois récipients un récipient contenait du lait un autre du miel et un autre khamr du vin et النبي صلى الله عليه وسلم il a choisi اللبن فقيل له tu as choisi الفطرة أي ce لبن c'était الفطرة قال ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم. C'est à ce moment, cette étape, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissement de as-sala, le deuxième pilier de l'islam. Directement, sans intermédiaire de personne. Et ça nous montre l'importance de hadhihi as-sala. Allah Azza wa Jal, il l'a rendu obligatoire à ce moment quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a été élevé au-dessus des cieux hatta il a atteint ce niveau Sidrat al-Muntaha. Il est arrivé au niveau de cet arbre. Hatta le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce niveau qar ra'aytu nur. Et on verra cette mas'ala. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a vu Allah Azza wa Jal amla? Ala kulli hal, anna ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé directement, il a rendu obligatoire directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 50 salats, tous les jours. Qala faraja'tu famarartu ala Musa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après cela, il est redescendu. Et il est repassé, bien sûr, par le septième ciel, thumma le sixième ciel, et le ciel où il y a Musa alayhi wa sallam. Faqala Musa, bima umirta. فقال أمرت بخمسين الصلاة كل يوم. موسى عليه الصلاة والسلام il a demandé au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام qu'est-ce que Allah t'a ordonné pour ta communauté. Et il lui a répondu 50 salats tous les jours. فقال موسى عليه الصلاة والسلام إن أمتك لا تستطيع خمسين الصلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. Ça, ça nous montre les bienfaits de ce conseiller. Moussa alayhi salatu salam, il a conseillé le prophète alayhi salatu salam. Kadhalik, ça nous montre que celui qui a de l'expérience dans une chose, il peut aider son frère. Il y en a. Moussa alayhi salatu salam, il avait de l'expérience, des années, des décennies avec le peuple d'Israël, avec al-Yahoud. فلهذا il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam 50 salat c'est trop ta communauté ils arriveront pas. قال فرجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك اي retourne et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'allège pour ta communauté. فرجعت فوضع عني عشرا النبي صلى الله عليه وسلم il est retourné et Allah subhanahu wa ta'ala il a allégé de 50 à 40. قال فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم. À chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala il a l'âge de 10 ثم à la fin jusqu'à 5 5 salat obligatoires tous les jours. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت فقلت أمرت بخمس صلوات كل يوم فقال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتي قال سألت ربي حتى استحييت. Quand le prophète a informé Moussa que Allah lui a rendu obligatoire 5 salawat pour sa communauté, Moussa, il a dit la même chose, alayhi sallam. Retourne et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'allège. Ta communauté, ils n'arriveront pas. Il a arrêté. Fa nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal istahyaytu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas osé demander moins de 5, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Al-haya, la pudeur. Walakinni arda wa usallim. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté pour sa communauté ces 5 salawat. Faqala falamma jawaztu nada munadin amdaytu varidati wa khaffaftu an ibadi. Et depuis cette époque, depuis ce moment, chaque musulman, il doit accomplir ces 5 salawats tous les jours. Al-Dhuhr, thumma al-Asr, thumma al-Maghrib, thumma al-Isha, thumma al-Fajr. 5 salawats obligatoires. Et ça, c'est un dalil. أن هذا الدين ليسر. Et جاء في الحديث الآخر أن 5 salawats avec la récompense de 50. Et ça montre Fadlullah wa rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien pour cette umma. Enfin, la récompense, c'est la même, 50. Lakin, les obligations, c'est que 5. Et la haqiqa, ces 5 salawat, c'est très simple pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite. Et c'est très très compliqué pour celui qui n'a pas de tawfiq et qui n'est pas sincère. Iyadun billah, qui est attiré par dunya. Celui dont le cœur il est malade, iyadun billah, à cause des dhunoub, face à 5 salawat, c'est un fardeau, iyadun billah. Aliyada, tu trouves, ba'dhan nas, ils n'arrivent pas, ils les délaissent, ils essayent, thumma ils délaissent, iyadun billah. Fahmadillah. Fahmadillah. On doit être reconnaissant. Et pour être reconnaissant, tu dois connaître mitla hadhihi al-ahadith. Et on ne doit pas oublier le khayr. Allah subhanahu wa ta'ala, au départ, il nous avait rendu obligatoire 50 salawat. Imagine un tel 50 salawat. Ça te ferait plus d'une salat par heure. Ben, il y a 24 heures, ça te ferait 2 salats par heure. Si tu enlèves le sommeil, farubama, ça te ferait 3-4 salats par heure. نحن الآن في une époque أن كثيرا من الناس ils ont délaissé هذه الصلاة et بعضهم ils la font pas à l'heure et بعضهم ils la font pas au masjid pour les hommes ils la agré alors que c'est que 5. مثلا entre le fajr et le dhuhr il y a un laps de temps qui est assez long والله الحمد des heures. Imagine un tas si on aurait les 50 salawat, ça aurait été très très difficile. On ne doit pas oublier هذا الفضل العظيم. Et كذلك, ça doit nous pousser à être sérieux dans les 5. On doit être sérieux dans les 5. Et ça fait partie de la reconnaissance de cet allègement que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait à cette communauté. هذا هو حديث الإسراء والمعراج. Il y a d'autres hadith et d'autres rajouts et la akhirah. Lakin, c'était pour فقط compléter هذا الباب. On peut rajouter كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك il est redescendu ثم de Jérusalem il est retourné à Mecca. On avait dit tout cela dans la même nuit. ففي حديث أنس نعم أو حديث أنس on l'a lu وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبية. النبي صلى الله عليه وسلم le lendemain il savait que quand il allait raconter, le Nabi صلى الله عليه وسلم il allait transmettre ce qu'il a vu cette nuit et la salat qui est obligatoire et la akhirah. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait que certaines personnes, ils n'allaient pas le croire. Ta'ammalu antum, à cette époque, en une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min Mecca ila Bayt al-Maqdis. L'aller-retour déjà à leur époque, en chameau ou à pied, ils n'avaient pas de moyens de transport pour pouvoir faire l'aller-retour en une. Donc pour eux, c'était impossible. Zid rajoute à un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il les a informés à Nahum. Il a fait l'aller-retour et en plus, il est monté jusqu'au septième ciel et il a dépassé jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait que certains, beaucoup d'entre eux, ils n'allaient pas le croire. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقعد معتزلا حزينا. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis dans un coin à Mecca et il était triste. قال فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه أبو جهل il est passé et il a vu le professeur sallam assis et s'est assis à côté de lui فقال له كالمستهزي هل كان من شيء et ça c'est من أوصاف الكافرين أنهم ils se moquent quand il a vu le Nabi sallam assis seul il a appelé il s'est assis à côté de lui et il lui a posé la question est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau pour se moquer هكذا حال الكفار يدن بالله أنهم ils posent pas une question pour le haq là c'est pour se moquer لكن صاحب الحق ça lui fait pas de mal هذا il répond بحق والحمد لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ما هو قال إنه أسري بي الليلة النبي صلى الله عليه وسلم lui a répondu نعم il y a quelque chose de nouveau et il a informé Abu Jahl أن cette nuit s'est déplacé de Mecca jusqu'à Beit al-Maqdis إلى آخر قال إلى أين قال إلى بيت المقدس أبو جهل لا demandé où لأن الإسراء عند العرب c'est connu c'est un voyage في الليل سبحان الذي أسرى بعبده أبو جهل il comprenait le mot الإسراء il lui a demandé où est-ce que tu es parti cette nuit il lui a dit إلى بيت المقدس فتأملوا أنتم la nuit il était في بيت المقدس et le matin il raconte à أبو جهل في مكة Abu Jahl, vu que c'est un kafir, il n'a pas pu comprendre Iyadan Billah. Bel, il a. Ça n'a pas pris ça. Kala thumma aswahta bayna dhahranayna. Abu Jahl, il a dit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, cette nuit, tu étais fi Bayt al-Maqdis, et maintenant tu es à Mecca avec nous. Kala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, na'am. قال فلم يري أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه راوي الحديث ابن عباس رضي الله عنه يابورت أن أبو جهل لا pas fait apparaître أنه il croyait pas أو il s'est moqué directement لا il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا دعوت قومك تحدثهم ما حدثني Ça, ça nous montre que les kuffar, ils ont du makr. Qu'est-ce qu'il a espéré Abu Jahl ? Il a espéré que tout le monde va rejeter le message du prophète, alayhi salam. Et comment penser, comment croire qu'un être humain, à leur époque, il peut faire l'aller-retour, min Mecca ila Bayt al-Maqdis, Allah alam, c'est combien de kilomètres ? Min Mecca ila al-Madina, il y a déjà à peu près 400, ou un peu plus de 400. Thomas, tu peux rajouter 400, à peu près, on va dire 1000 kilomètres, un peu plus de 1000 kilomètres. À leur époque, c'était des mois de marche, c'était des mois d'aller-retour en chameau. Fahoua, il a espéré bien et appelé les gens de Mecca, hatta ils entendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, prétendre, annahu il a voyagé cette nuit, hatta les gens, ils rejettent son message. Ça nous montre makr al-kuffar. Ils ne veulent pas le haq, ils veulent pas avancer. Là, ils veulent humilier le mu'min, se moquer, essayer de le bloquer. Lakin, celui qui est appuyé par les preuves, par le haq, il prend toujours le dessus. Falihada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala na'am. Et appelle-les. Et tout ce que je t'ai dit, je vais leur raconter. Falihada, dans Madri, dans ce hadith, c'est pas cité dans un autre hadith, anahum, ils ont informé Abu Bakr, radiyallahu anhu, bihada. Et est-ce que tu es au courant, ton ami? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prétend à cette nuit, il est parti jusqu'à Bayt al-Maqdis et il est monté dans les cieux, il est revenu, il a arrêté. Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, il leur a répondu, non, si vous l'a dit, si vous informez, c'est sahih. Hakad al-Mu'min, il accepte khabar al-Wahi. Si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ce que là, c'est haq. Même si tu as du mal à comprendre. Même si tu n'as pas l'habitude d'entendre cette chose, même si certaines personnes ils contredisent cette chose, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est que c'est haq. Et que d'ailleurs, c'est un verset du Coran, kalamullah, c'est haq. Faqala, ay Abu Jahl, hayya ma'ashara bani Ka'b, ibn Lu'ay, qala, fantafadat ilayhi al-majalis, waja'u hatta jalasu ilayhima. Abu Jahl, il a lancé un appel et que tout le monde doit se présenter, se réunir pour écouter ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit dire. Ils sont venus de toutes parts. فَقَالَ حَدِّثْ قَوْمِكْ بِمَا حَدَّثَنِي Abu Jahl l'a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur ce que tu viens de me dire. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة صاحب الحق إليه في السكينة. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم il est probablement dans cette assise seul. Allah alam combien de croyants il y avait avec lui. Et les kuffar, ils étaient nombreux. Et avec sagesse, avec calme, il va leur raconter ce qui s'est passé. Hakadha sahib al-haq, il ne doit pas être perturbé par ahl al-ahwa, par ahl al-kufr, par ceux qui veulent faire du mal. Si tu as le haq, qu'olbe. Lakin, pour pouvoir avoir ce thabat que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a eu, et on n'arrivera jamais à atteindre le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin, pour faire des efforts, pour patienter face aux ennemis de l'islam et pouvoir dire le haq, il faut faire des causes. Il faut faire des causes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était, et c'est, afdal al-mu'minin, imam al-muttaqin. Il avait un tawakkul azim à Allah. C'est pour ça qu'il dit le haq. Voilà, yubali bimani u'arid. Qala, qalu ila ayn. Ils ont demandé, où est-ce que tu es parti cette nuit-là? Il leur a dit, non, il a fait l'Isra. Il s'est déplacé. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قال ثم أصبحت بين ظهرانين قال نعم قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب الزعم. Certains parmi eux ils se tenaient la tête, d'autres ils frappaient dans leurs mains comme s'ils applaudissaient, d'autres ils souriaient. Cette information, pour eux, c'était impossible. Ça nous montre la gravité de faire passer la raison avant les textes. Sahih, on a la raison, grâce à leur époque, il n'y avait pas de moyens de transport comme l'avion, comme le train, les voitures, et la akhiré, grâce à l'avion, pour faire l'aller-retour en un moment très court. Enfin, au lieu de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a appuyé par la révélation, ils ont fonctionné avec leur raison. Faqat, pour eux, c'était impossible. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, forcément, il n'était pas véridique. Na'oudou billah, on doit faire attention. Des choses, des akhbar, min ilm al-ghayb ila akhir, ou pas mal notre raison, elle a du mal à comprendre certaines choses. Lakin, al-mu'min, c'est un mu'min, limala li'annahu yu'min. C'est ça, un mu'min. Un croyant, c'est pourquoi? Parce qu'il a la foi. La foi en quoi? En l'invisible. Même si on n'a pas assisté, même si on n'a pas vu, il a akhiré. Vu que le hadith il est sahih, il est rapporté par le Bukhari, par Muslim, il a akhiré. On a cette conviction. C'est pour ça que l'imam al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, il a cité ce bab fil aqidah. On doit vers cette aqidah. Et minouna, tu trouves que ba'd ahl al-ahwa, ils rejettent bishidda cette qissa. Là, pour eux, ça paraissait trop. C'est pour ça que ba'dhum, ils disent là, c'est un rêve en fait. Et ça c'est batil, kamazayat. Est-ce que, si ça serait un rêve, est-ce que Kuffar Quraysh, ils auraient rejeté ce rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait raconté à Abedin? Ça serait un rêve, ça n'aurait pas été impressionnant pour eux. Non, certains ils rêvent une nuit, ils vont dans tel pays, d'autres ils voyagent, d'autres ils volent, d'autres ils font plein de choses. Dans un rêve, tu fais beaucoup de choses que tu ne fais pas comme d'habitude. Ça serait un rêve, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit, cette nuit j'ai rêvé que je suis parti à Bayt al-Maqdis. Ils auraient dit, on fait tous des rêves. Là, ils ont été étonnés, l'imam, ils ont compris qu'il avait fait ce voyage avec son corps. Et tu trouves, al-Ba'di, ils rejettent ça. Ils disent, là, c'était pas avec son corps, c'était avec son âme. Là, la cause, c'est des aqlaniyoun. Et vu que pour eux ça paraît presque impossible, ils ont trouvé la solution. On ne rejette pas l'Isra ou le Mi'raj, du mal d'aller en nous citer le Coran, le Sunna, mais ils ont trouvé cette hila et c'est avec l'âme. Là. Allah subhanahu wa ta'ala قال سبحان الذي أسرى بعبده. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a raconté l'Isra ou le Mi'raj. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais dit que c'était qu'avec son âme ou c'était un rêve. Là il leur raconte ce qui s'est réellement passé alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد ثم ils ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu es véridique, décris-nous le masjid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'isra du masjid al-haram jusqu'à masjid al-aqsa. Donc ils lui ont demandé, décris-nous masjid al-aqsa. Si tu as vraiment voyagé, tu l'as vu, décris-nous. لماذا لأن بعضهم ils le connaissaient. كما يقول الشراح أن بعض Kuffar Quraysh, ils faisaient du commerce. ils allaient jusqu'à Beit al-Maqdis pour faire du commerce. Là, ils ont déjà vu le masjid. Ils savaient à peu près comment il était. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous montre que d'alik, un al-kuffar, même si tu leur dis une chose, même si tu es véridique, ils essaieront de te bloquer. Avec des as-ila pour que tu ne puisses plus répondre et t'accusent. Avec un sahib al-ilm, sahib al-haq, il est daïman sage. Qala wa fil qawm. من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد ونادي بعض الشرح بل في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه اللغة دكخي النعت سيصفة نعت سيجلغ الدكخي النبي صلى الله عليه وسلم اللغة دكخي أن المسجد إلي كذا حتى التبس عليه ثم أمامه il a, alayhi salatu wa sallam, il tabassa alayhi. Il avait du mal à leur dire telle chose, c'était comme ci ou telle chose comme ça. Lakin sahib al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala yansur. Daim. Allah subhanahu wa ta'ala, il secourt les croyants. Qala faji'a bil masjid. Quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait du mal à le décrire à un certain moment, Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir, il a placé Al-Masjid en face du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait plus qu'à le décrire, il était en face de lui. Faji'a bil masjid, wa ana anduru hatta wudi'a duna dar iqal, ou uqil. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité l'endroit où il voyait le masjid, et il n'avait plus qu'à le décrire. Les portes, elles étaient kada, les murs, ils étaient kada, il a akhir. قال وكان مع هذا نعت لم احفظه قال فقال القوم qu'est-ce qu'ils ont dit après tout cela normalement celui qui veut le haq et celui qui est véridique dans sa démarche après tout cela c'est eux qui ont demandé la description donc si tu leur donnes la description normalement ils doivent dire non donc en fait il avait raison il a akhri lakin celui qui a le cœur mort yadam billah. Tu peux lui citer la hujja que tu veux, la preuve que tu veux, tu lui démontres clairement, si il ne veut pas le haqq, ayyadam billah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amanat fa wallahi laqad asab. Ils ont juré, ils ont dit amanat, la description, il est véridique. Et ce qu'il a dit, c'est juste, c'est vrai. Est-ce que amanu ma'a dhalik kathir minhum à ce moment-là? Ayyadam billah. الحديث سورة جوكونا ستة حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد حديث صحيح هذه قصة الإسراء والمعراج وفيها فوائد كثيرة نغزم هذا الباب الإسراء والمعراج القصة لستة في الصحيحين ونالو حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعه ونالك ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجمعين يا بكد أحاديث في هذا الباب بقي الوقت أي كونتسك الإسراء والمعراج لا يلي العلماء يقولون أن لا شك أن الإسراء والمعراج ستأبخى البعثة Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà reçu la révélation. C'était un prophète, un rasoul alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était avant l'hijra. Et c'était la période où il était fi Mecca. Donc il avait reçu la révélation, c'était déjà un prophète, un rasoul alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'avait pas encore fait l'hijra. Et ça c'est واضح. لأن الصلاة, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rendue obligatoire avant l'hijra. Et la الصلاة, elle a été rendue obligatoire à la fin de la période mécoise. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était à Mecca. هذا بالإجماع. القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء il a rapporté الإجماع على هذا. بقي التحديد بالضبط. بعض العلماء يقول c'était 6 mois avant الهجرة, 1 an avant الهجرة, 5 ans avant الهجرة. Beaucoup d'أقوال. Il n'y a pas de دليل على هذا. الله أعلم. الله أعلم c'était quand exactement. Ce qu'on sait, c'est que c'était après البعثة. Et النبي صلى الله عليه وسلم il avait reçu la révélation. Et c'était avant la hijra. Cette période, amma l'année exactement et le mois, fallahu a'lam. Kadhalik, on peut résumer hadha al-bab en citant et en rappelant anna al-isra, bien sûr, c'était bi badanihi wa ruhihi alayhi salatu wa salam. Et c'était fi hal il-yaqadha l'al-manam. Donc deux choses. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Isra wa al-Mi'raj, il l'a fait avec son corps et son âme, bien sûr. Et kadhalik, il était réveillé. Ce n'était pas un rêve. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده قال الإمام ابن كثير رحمه الله كما في البداية والنهاية وهذا مذهب جمهور السلف والخلف من أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات الله عليه كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج وغير ذلك toute l'histoire qu'on a lu في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم il est monté sur le buraq ثم il est arrivé à Bayt al-Maqdis ثم il est monté ثم il a parlé il a passé le salam à certains prophètes ils lui ont répondu tout ça montre أنه النبي صلى الله عليه وسلم il a fait le voyage lui-même et il était réveillé il a akhiré bien sûr en rajoutant le verset et on a précisé أنه si ça aurait été un rêve فماذا تفضل Ahsan, si c'était un rêve, Kuffar Quraysh, ils n'auraient jamais rejeté. Quand il nous dit, j'ai fait une sieste après Dohor et j'ai fait un rêve, que je suis parti dans tel pays et je suis revenu. Est-ce que un de nous, ça va l'étonner là? C'est un rêve. Non. Enfin, ils ont été étonnés, ils ont rejeté. Pourquoi? Les Anna, ils ont compris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a montré qu'il a fait l'Isra lui-même et il était réveillé alayhi sallallahu alayhi wa sallam. كذلك أن الإسراء والمعراج c'était dans une nuit, la même nuit. Pas comme certains ils ont dit الإسراء c'était dans une nuit et المعراج dans une autre nuit. الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة قال وفي رواية ثابت عن أنس دليل أن المعراج كان ليلة كان ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس أي قوله dans le hadith ثم عرج بي النبي صلى الله عليه وسلم quand il aura raconté l'histoire il aura montré أنه il a voyagé de Masjid al-Haram jusqu'à Al-Quds jusqu'à Jérusalem ثم il a été élevé aux cieux enfin, ça montre que c'était dans une nuit c'est la même histoire النبي صلى الله عليه وسلم il aura informé قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله أي الإمام البيهقي هو الحق الذي لا شك فيه ولا مريه نعم يا aucun doute que c'était dans la même nuit النبي صلى الله عليه وسلم il était réveillé c'était avec son corps et son âme عليه الصلاة والسلام et c'est le résumé de هذه المسألة on peut préciser أن il y a un حديث في الصحيح حديث شريك عن أنس رضي الله عنه Et Shariq, il a rapporté beaucoup de awham, il a rajouté des choses qui ont poussé بعض الناس à khalif dans ce masail. Al hadith fihi des manakir kathira, des alfaz munkara. مثلاً, on peut citer un exemple, un dans le hadith Shariq an Anas, il a rajouté et Shariq à la fin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'est réveillé, كأن l'histoire c'était un rêve. ثم النبي صلى الله عليه وسلم على فين سيغيبيه وبعض الناس يزون دي الإسراء الحقيقة ستأنهم كذلك dans le hadith كأن إلى ستن الإسراء ستدان une nuit المعراج ستدان une autre nuit فالعلماء يزون rejeté les ajouts de شريك عن أنس رضي الله عنه parmi ces imams l'imam muslim et d'autres et هذا إن شاء الله on pourra le citer dans d'autres livres le résumé qu'on a fait إن شاء الله pour rester simple يكفي كذلك تنبيه un autre تنبيه avant de finir هذا الدرس أن fêter cette nuit c'est من البدع لأن cette nuit c'est une nuit عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم il a vu les prophètes certains messagers النبي صلى الله عليه وسلم il a été élevé aux cieux il a atteint un niveau que personne n'a atteint avant lui عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى il lui a parlé il lui a ordonné الصلاة إلى آخره c'est une nuit عظيمة وبعض المسلمين Ils ont pensé que c'était légiféré de la fêter. Et on revient toujours au même point. Notre dîn, ce n'est pas avec la raison. Et vu que l'Isra et le Mi'raj, c'était un moment azim dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fawadnes, ils ont pensé qu'il fallait fêter. Et tu le trouves. Jusqu'à aujourd'hui, de nos jours, Wa'ad al-Muslimin, ils fêtent cette nuit. Awalan, il n'y a aucun délit. As-Sahaba, radiyallahu anhum, ils ne l'ont jamais fêté. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais ordonné ou recommandé de la fêter. Donc notre dîn s'est fondé sur des preuves. Donc on n'a pas à la fêter. Notre dîn, il y a deux fêtes. عيد الأضحى et عيد الفطر. أما le reste, c'est des خرافات, c'est des inventions. كذلك, comment fêter une nuit alors qu'on ne sait pas la date? Alors, les gens disent que c'est au mois de Rajab, au mois de Kada. Et ils n'ont aucun délit à la hâle. Allahu a'lam, c'était quand? Et ils ont choisi une nuit et ba'dhum, iyadan billah, ils prétendent qu'elle est mieux que Laylat al-Qadr. Et tu trouves le ba'd, rubbana, la nuit de l'Isra al-Mi'raj, ils font des efforts dans du dhikr, dans certaines choses, alors que c'est des bid'a, des innovations, c'est pas accepté. Et tu les trouves, fi Laylat al-Qadr, on a des adillah wadiha, les 10 dernières nuits, tu les trouves, anahum, ils ont des faiblesses, wallahu al-musta'an. Enfin, à la kulli hal, fêter cette nuit, c'est min al-bid'a. Et on a déjà parlé de cette mes'ala. Naktafi bihada, et on passe au dors suivant.